Merci beaucoup de me donner la parole ici à propos des nouvelles technologies. J'ai toujours un peu le trac de parler devant des gens qui sont plus spécialistes que moi de ces questions. Mais d'abord, je voudrais mettre ces questions-là dans un contexte historique. Lorsqu'on parle de nouvelles technologies, on emploie un adjectif et un mot, le mot « nouveau » et le mot « technologie ». Je parlerai du mot « technologie » tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui est nouveau dans ces nouvelles technologies? Je voudrais d'abord voir ce qui n'est pas nouveau, et ce qu'on croit être nouveau et ce qui n'est pas nouveau. D'abord, ces nouvelles technologies permettent de stocker, de transmettre, d'émettre et de recevoir de l'information. Est-ce que ces technologies-là sont nouvelles? La réponse est non. Non, parce que des machines capables de stocker, d'émettre et de transmettre et de recevoir de l'information, eh bien, il y en avait sur le globe terrestre depuis 3,8 milliards d'années. Dès qu'il y a eu une cellule vivante, il y avait une machine capable de stocker, d'émettre et de transmettre de l'information, au moins du point de vue de la perception, du point de vue de la nutrition et du point de vue de la reproduction. Machine ou vivant, il se trouve que ces fonctions-là étaient déjà remplies, voici ce temps-là. Par conséquent, s'il s'agit de cette fonction-là, ce n'est pas nouveau, premièrement. Deuxièmement, est-ce que les nouvelles technologies sont nouvelles dès lors qu'on considère qu'elles permettent de transmettre très rapidement sur de très longues distances de l'information? Et la réponse à cette question est de nouveau non. Non, parce qu'il y a déjà très longtemps que des techniques ou des technologies étaient usitées pour transmettre à très longue distance de l'information. Je vais donner au moins deux exemples. Nous avons un témoignage de Jules César dans ses commentaires sur la guerre des Gaules d'une surprise qu'il avait très fréquemment. Il envoyait, par exemple, sur une distance, disons, équivalente à Paris-Nice, par exemple, des cavaliers pour porter des messages vers Rome, le sud de la France. Et il s'apercevait que les Gaulois, dès qu'on arrivait à Nice, avaient déjà l'information que lui voulait transmettre par les moyens les plus rapides, c'est-à-dire par des messagers à bord de chevaux qui relayaient tous les temps de kilomètres. Enfin, tout le temps de milles romains, évidemment, sur les voies romaines à l'époque. Et il s'est demandé comment les Gaulois pouvaient transmettre si vite, plus vite que lui, de l'information. Eh bien, il a découvert assez rapidement que dès qu'ils avaient une information à transmettre, les Gaulois se mettaient sur des éminences ou des collines et que dans les 16 directions de la Rose, ils criaient d'information jusqu'à ce qu'ils soient certains que celui qui se trouvait sur l'éminence voisine pouvait la répéter. Et par conséquent, d'éminence en éminence, l'information courait plus vite, évidemment, que le cheval. Vous voyez, donc, il y avait déjà des moyens. Et un second exemple, je le tire des guerres puniques. Lorsque Hannibal quitte Carthage, c'est-à-dire Tunis, passe par Gibraltar, remonte par l'Espagne, traverse les Pyrénées, traverse les Alpes et va battre les Romains à Cannes et au lac Trasimène, il a des informations régulièrement de Carthage par des feux de Tunis se transmettent par petits îlots, par Pantellaria, le sud de la Sicile, le détroit de Messine et les Pouilles, par des feux allumés et des signaux donnés. Les Carthaginois transmettaient à Hannibal des nouvelles assez rapidement. Vous voyez donc que ce n'est pas très nouveau que de se transmettre de l'information plus vite que de manière, disons, concrète par des chevaux ou par des moyens plus concrets. Premièrement, est-ce que stocker, transmettre et mettre de l'information, c'est nouveau? Non. Tous les vivants le font depuis l'origine des vivants. Est-ce que la transmission rapide à distance caractérise l'information? Non, de nouveau, puisque historiquement, nous avons de bons exemples de cette affaire-là. Troisièmement, est-ce que c'est nouveau du point de vue de la masse énorme d'informations? Et c'est un argument qu'on emploie très souvent, que nous ne pouvons plus dominer la masse d'informations parce que nos mémoires sont tellement colossales qu'on ne peut plus prendre connaissance de ces choses-là. Est-ce que cela est nouveau? Réponse, non. non de nouveau, parce que si vous lisez un peu ce qui s'est passé après Gutenberg, c'est-à-dire après l'invention de l'imprimerie et l'origine des grandes bibliothèques, dès lors que se constituent des grandes bibliothèques de livres imprimés, déjà l'information dépasse la capacité d'un lecteur. Et nous avons des écrits de philosophes classiques du XVIIe siècle, par exemple Leibniz, l'inventeur du calcul infinitésimal et de la mécanique, Leibniz, qui était bibliothécaire lui-même de Hanovre. Leibniz disait « Cette horrible masse de livres que personne d'entre nous ne peut dominer va nous ramener certainement la barbarie et non pas la culture. » Vous voyez, il avait l'idée déjà que l'énorme masse d'informations nous dépassait tellement que nous risquions, alors on retrouve là des arguments assez classiques des technophobes actuels sur la masse d'informations. S'ils étaient un peu cultivés, ils sauraient que déjà cet argument a été utilisé contre le livre imprimé, et je ne sache pas que le livre imprimé ait jamais ramené la barbarie quelque part, et a ramené plutôt de la culture que de la barbarie. Ensuite, puisque je parle de technophobie, est-ce que l'angoisse devant une nouvelle technologie est aussi nouvelle ? Ah ben, la réponse est alors régulièrement non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que les nouvelles technologies s'inscrivent dans une histoire très très facilement repérable et parfaitement documentée de replication de l'information. Et la première technique de ce genre, ça a été l'invention de l'écriture. Eh bien, vous avez sûrement entendu parler, quoique scientifique, de la philosophie de Platon. Eh bien, Platon écrit des dialogues dont le héros principal est Socrate, le philosophe Socrate, et l'opposition ou la complémentarité entre Socrate et Platon se réduit en quelque manière à l'opposition ou la complémentarité entre la transmission orale et la transmission écrite. Et la plupart des discours de Socrate, c'est une critique de l'écriture en tant que l'écriture fait perdre, et le mot perdre, je vais en parler plus tard, fait perdre une dimension considérable à la parole vivante, dit-il, et orale. Socrate considère que la parole orale est vivante et que l'écriture est morte, c'est une information morte. Et le platonisme, d'une certaine manière, comme philosophie, est le témoignage historique de cette opposition, de cette nouveauté d'une transmission écrite à l'époque où on n'avait que la transmission orale. Donc les angoisses devant une nouveauté sont déjà transcrites de façon presque canonique dans les philosophies antérieures, et l'exemple de Socrate en est un très fort. Alors, des machines à stocker l'information, non, ce n'est pas nouveau. La vitesse de transmission à distance, non, ce n'est pas nouveau. L'énorme masse d'informations, non, ce n'est pas nouveau. Personne de ma génération ni de la génération précédente n'a lu toute la bibliothèque ou n'a lu la totalité de la Library of Congress. Et l'angoisse devant une nouveauté n'est pas nouvelle non plus à ce point de vue. Je passe sur la perversion de la pornographie qui, semble-t-il, envahit le web. Mais il est bien clair que tout le monde célèbre, dès l'invention de l'imprimerie, le fait que Gutenberg ait imprimé la Bible, et tout le monde fait voir la Bible de Gutenberg. On interroge rarement les secondes, troisièmes et livres qui ont été imprimés. Je parierais bien volontiers que c'était les écrits érotiques latins. Vous voyez, immédiatement, les livres de ce genre ont suivi la Bible, mais évidemment, dans l'histoire, on dit surtout qu'il a été question de l'écriture sainte. D'autres écritures ont suivi de très près, et par conséquent, là aussi, les problèmes ne sont pas nouveaux. Alors, toute la question est de savoir. Alors, parmi les questions posées du point de vue culturel, du point de vue historique, du point de vue de la philosophie même ou d'histoire des techniques aux nouvelles technologies, je crois qu'il faut vraiment séparer de manière intelligente les questions récurrentes qui ont toujours été posées dans certains types d'inventions des questions réellement nouvelles. Alors, qu'est-ce qui est nouveau dans les nouvelles technologies ? La première chose, c'est l'utilisation du mot « technologie ». De mon temps, ou assez récemment, le mot technologie en langue française voulait dire discours sur la technique. Manuel de technologie voulait dire description des outils, manière de construire les outils, manière de se servir des outils. Technologie, c'était un discours sur la technique. Et technologie utilisée de la même manière ou dans le même sens que technique, eh bien, c'est tout simplement un anglicisme. Vous utilisez, nous disons aujourd'hui nouvelle technologie, en bonne langue française, nous devrions dire nouvelle technique. Alors ce qui est nouveau, c'est l'utilisation du mot technologie dans ce sens-là. Mais je plaisante. Qu'est-ce qui est nouveau maintenant? Je voudrais bien réfléchir avec vous sur cette question. Alors, je vais essayer d'analyser un point pour essayer de rentrer dans la réelle nouveauté que me paraît induire l'utilisation individuelle ou sociale des nouvelles technologies. Si vous êtes content de ma conférence, je vous serais reconnaissant de me faire tenir pour Noël quelques chocolats, ou plutôt je préférerais des marrons glacés, vous voyez. Et alors, vous voulez bien noter mon adresse pour envoyer les marrons glacés. Mon adresse est 128 rue de Montreuil, 94 320, France. Je viens de vous donner mon adresse. Et je voudrais méditer avec vous sur la notion d'adresse. Qu'est-ce qu'une adresse? Je viens de vous donner mon adresse. Et cette adresse-là est intéressante parce qu'elle se réfère à un espace bien défini. C'est-à-dire, je la prends à l'envers, j'ai dit « France ». Ce qui est un sous-ensemble spatial bien dessiné par des frontières ou conventionnelles du côté du Rhin ou naturelles du côté de la Bretagne. Et tout le globe terrestre est enserré ainsi par un réseau de frontières et l'ensemble des zones habitées est partagé en sous-ensembles qu'on appelle des pays, des nations et ainsi de suite. France. Ensuite, la France elle-même est enserrée par un ensemble de réseaux, de frontières de nouveau, où on trouve des départements. Alors, 94, dans mon adresse, veut dire effectivement, désigne dans ce sous-réseau parmi le réseau mondial le département du Val-de-Marne. Mais si c'était aux États-Unis, on dirait Alabama ou Wisconsin. Si c'était en Angleterre, on dirait Pays de Galles ou Écosse. Bref, c'est un sous-ensemble de ce sous-ensemble. Puis 94-300, c'est de nouveau un réseau qui partage le département en zone postale, et ainsi de suite. Et à l'intérieur de ce sous-réseau, il y a la ville de Vincennes, qui est traversée par un réseau de rues. Est-ce que c'est nouveau, ça? Non, ça date d'Hippodamos de Milet, 6e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez. Et dans ce réseau de rues, le 128 où j'habite, désigne une distance bien déterminée entre le zéro et là où j'habite, et dans l'ensemble des réseaux que je viens de dessiner, de frontières, de départements, de zones postales, de villes, de rues, etc., dans l'ensemble de ces réseaux, on définit une distance par un chiffre entre le zéro et le 128. 128 pair est du côté droit de la rue en allant vers les numéros croissants. Voici ce que c'est qu'une adresse. Cette adresse-là se réfère à un espace. Et maintenant, réfléchissons sur le terme « adresse ». Vous savez sans doute qu'en langue anglaise, le mot « adresse » porte deux « d », alors qu'en langue française, nous ne l'écrivons qu'avec un « d ». Et ceci montre que la langue anglaise est souvent plus près de l'ancien français que le français moderne et quelquefois plus près du latin que le français actuel. Vous savez sans doute que les Anglais ont plus de mots latins dans leur vocabulaire que nous, pour des raisons historiques bien repérées et connues. Ils disent par exemple « 2 heures antéméridiem, moi postméridiem », longtemps que nous avons perdu ce latin-là. Et dans le mot « adresse », les deux « d » nous font voir qu'il s'agit du droit. « Ad », c'est le préfixe, et le « dr » après, c'est le droit. Et en effet, la racine du mot « adresse », c'est le mot « droit », en anglais « right ». Et « right », qu'on retrouve en français parce qu'il n'y a pas le second « d » dans « res », c'est le mot « rex », qui veut dire « le roi ». Le droit, le roi. Mais ce mot « rex », qui a donné par la suite le mot « règle », vient du latin « rectus », alors le droit, « right », puis Rex, le roi, puis Rectus, la règle, puis Rectangle. Tiens, on retrouve l'espace dont je suis parti. Mais restons une minute au droit et au roi. Je vous ai donné mon adresse en espérant que vous allez m'envoyer pour Noël des marrons glacés que j'aime tant. Mais en fait, mon adresse, elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour que le roi, enfin celui qui a le pouvoir, puisse m'envoyer la police si par hasard j'ai commis une infraction, un délit ou un crime. Ou alors, celui qui détient le pouvoir peut trouver l'endroit où j'habite si par hasard je n'ai pas payé l'impôt. Tiens, c'est curieux. Vous avez appris peut-être en classe de philosophie que l'origine de la géométrie viendrait du fait qu'en Égypte, les fellahs cultivaient une parcelle de terre que le pharaon avait à un certain moment soumis au cadastre et qu'il payait l'impôt ou la taxe proportionnelle à la surface du cadastre et que parce qu'on avait cadastré la vallée du Nil, on avait inventé une règle, un rectangle, et voilà que dans le mot adresse, on vous raconte déjà toute l'origine de la géométrie. Vous voyez que dans l'examen d'un mot et de sa racine, tout d'un coup, vous voyez arriver exactement toute la couche des sens, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, ça se réfère à un espace, et cet espace-là n'est pas seulement un espace métrique, il est métrique, puisqu'il y a des réseaux partout, les réseaux des frontières, les réseaux des départements, les réseaux, ce sont des réseaux qu'on peut repérer par... par abscisse et ordonnée, rapidement parlant, et puis ensuite il y a une métrique qui me permet de repérer quelqu'un à la distance. Donc c'est bien un espace métrique, au sens euclidien ou cartésien du terme. C'est un espace rectangulé, réglé, c'est un espace réglé. Mais je ne fais que parler du mot adresse, là. Je ne fais que analyser linguistiquement l'étymologie du terme. Mais en plus d'être un espace métrique, c'est-à-dire un espace géométrique, etc., c'est un espace juridique, c'est un espace politique, c'est un espace du pouvoir. Et d'ailleurs dans ce mot « adresse », il y a aussi le mot « endroit », c'est l'endroit où j'habite. Il y a aussi le mot « insurgé » vient aussi de ce mot-là, c'est-à-dire celui qui précisément commence à ne pas vouloir d'adresse, insurgé à la même racine, c'est la même famille sémantique. Bref, vous voyez que les couches de sont là pour témoigner à la fois d'une histoire et de cette communauté, Gilles Dohec, qui fait que vous n'êtes pas simplement des scientifiques, vous avez aussi à côté de vous quelqu'un qui est dans les sciences humaines et qui linguistiquement voit que votre espace métrique, que votre espace géométrique est en fait en même temps, un espace juridique, un espace politique, un espace de pouvoir, et que la ville ou l'espace dans lequel nous habitons est indissolublement métrique au sens euclidien et politique au sens que je donne. D'accord ? Voilà quelle était mon adresse. Et j'ai dit quelle était mon adresse, parce que cette adresse-là, où je vous supplie d'envoyer des chocolats ou des marrons glacés, je préfère les marrons glacés, cette adresse-là, c'était votre adresse. Mais maintenant, quand on vous demande et quand on me demande mon adresse, je ne donne plus cette adresse-là. Bien entendu, je donne au moins deux adresses. Je dis michel.serre@wanadoo.fr, n'est-ce pas ? Et où je dis 06 09 47 32 08. Je donne l'adresse où ce que les Québécois, et je vous conseille de suivre leur exemple, appellent l'ADEL. C'est merveilleux, adresse électronique. Dites donc ADEL, désormais. Ils disent le courriel, pour le courrier électronique. Et ils ne sont pas asservis comme les Français à la langue anglaise, ils ne sont pas dans la carpette anglaise ou dans l'esclavage de la langue anglaise. Ils se révoltent et ils disent courriel pour le courrier électronique et ADEL, ce qui est le prénom féminin, pour adresse électronique. Alors je donne mon adresse électronique, mon ADEL, c'est michel.s, etc., ou l'adresse de mon téléphone cellulaire. Je ne dis pas portable, parce que portable, c'est de nouveau un mot anglais comme technologie. On dit portatif en français, on ne dit pas portable, n'est-ce pas ? Alors les Québécois disent le téléphone cellulaire, et ce téléphone cellulaire, on donne son chiffre. Et où est l'espace? Je vous pose la question, où est l'espace lorsque vous donnez votre Adèle, c'est-à-dire michel.r@douanadou.fr, ou si vous donnez le code de votre cellule, où est l'espace? Et ne pas référer à l'espace du tout. Qu'est-ce qui est nouveau dans les nouvelles technologies? C'est l'adresse. C'est-à-dire que nous ne vivons plus dans le même espace que ceux qui autrefois donnaient leur adresse comme je viens de la donner. Ce qui est nouveau, c'est l'espace. C'est-à-dire, c'est pas vrai que nous sommes dans un espace en réseau. Tout le monde abuse de la notion de réseau. Mais la notion de réseau, c'est pas nouveau, c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme les frontières, c'est vieux comme les départements, c'est vieux comme les voies romaines, c'est vieux comme Hippodamos de Milet qui faisait des plans de ville avec un quadrillage de rues et de boulevards, c'est vieux comme les voies maritimes, c'est vieux comme Hérode. Nous ne sommes plus dans l'époque des réseaux. Non, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, autrefois, il s'agissait de réseaux, parce qu'on avait une adresse qui se référait à l'espace dont je viens de parler. C'est-à-dire un espace qui était communément un espace géométrique, un espace métrique, un espace juridique, etc. Et maintenant, avez-vous remarqué que quand quelqu'un met son téléphone en route, qu'il soit dans une rue, quand l'avion a atterri ou quand le train arrive, il dit « je suis à tel endroit », l'avez-vous remarqué? Eh bien, il dit « je suis à tel endroit » pour une raison profonde, c'est-à-dire que puisque l'adresse et le code ne se réfèrent plus à l'espace en question, il est obligé de dire d'où il parle et où et à qui il parle. Et il est obligé de dire « je suis là » parce que son adresse ne le dit plus. Par conséquent, la grande nouveauté, à mon avis, des nouvelles technologies, gît dans cette adresse qui est un code unique, qui est simplement un code arithmétique ou de lettres ou de chiffres, qui n'a plus aucune référence avec l'espace dont je parlais. Nous n'habitons plus dans un espace métrique, nous n'habitons plus dans le même espace que nos prédécesseurs. Il s'agit d'un nouveau monde. Il s'agit absolument d'un nouvel habitat. Nous n'habitons plus dans un espace métrique. Et alors, vous allez me dire, mais alors, est-ce que ce nouvel espace dans lequel nous habitons a aussi, comme l'ancien, une référence de type juridique, une référence de type politique, etc. Ben, c'est toute la question. C'est toute la question. Et je repère la naissance de cette question dans les débats qui déjà sont anciens, disons 5-6 ans, sur la question de savoir quel type de droit va régir la toile. Vous vous rappelez, il y a encore des questions juridiques qui se posent, etc. Et la plupart des gens pensent qu'il suffirait de prendre le droit tel que nous l'avons à notre disposition de façon classique pour le transporter dans la toile et appliquer un certain nombre de règles, de lois, etc. Et quand on me demande mon avis, je dis non, ce n'est pas du tout possible, parce que c'est un autre espace, c'est celui que je viens de dire, c'est un espace topologique, un espace sans distance, ce n'est pas un espace métrique. Nous vivons dans un espace topologique et non plus dans un espace métrique. Et or, l'espace métrique portait en lui tout ce que j'ai dit tout à l'heure, et le nouveau ne le porte plus. Donc, c'est un espace de non-droit. Et c'est intéressant, les espaces de non-droit. Et est-ce que c'est nouveau, les espaces de non-droit? Non, non. C'est très ancien, les espaces de non-droit, et donc je recommence.